Oh, my God. être debout et en position de vainqueur. Comme a dit le Seigneur, veillez et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez tout le temps. La vie de prière permanente. Aujourd'hui, Dieu nous a donné un peu plus de temps. Communier avec lui, lui parler. Communier avec lui, avancer. Que son nom soit béni. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Toi, le Dieu fidèle, le Dieu immuable, le Dieu glorieux, le Dieu des grâces et des bontés, Dieu parfait, Dieu incomparable. Nous t'aimons de tout cœur, car tes paroles sont des paroles véritables, dignes de confiance, qui s'accomplissent toujours et suscitent la foi. Amen. La consolation te donne la joie. Bénis la réunion de ce matin. La parole qui sera prêchée, elle trouve une place dans nos cœurs. Que ce soit des cœurs fidèles. Brise l'infidélité. Détruis l'incrédulité. Détruis le négativisme. Détruis les pensées mauvaises. Chassez de nos corps. Nous voulons la victoire de Christ. Le triomphe de ta croix. Chaque jour, nous voulons faire un pas en avant. Progresser significativement, sentir ton soutien, reconnaître ton amour, aller vers la perfection et arracher des territoires à l'ennemi. Tu as vaincu pour nous, Seigneur. Combattons dans ta victoire. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Et exaucer chaque prière. Montre-toi attentif pour l'intérêt de tes enfants, pour le bien de nos âmes. Bénis-nous chacun, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce et te bénissons. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Malachie chapitre 4. Nous prenons le verset 4 à 6. Malachie 4, verset 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Na Mose mwomo na ngai oyo na lakila kie na kati na olebe pona Israele mabimba yango malakompe kusambisa sembo tala ngai na kutine lebino musakoli Elia liboso na koyana mokolo munene mpe na somo na yawe akobongola mitema na batata epai na bana mpe mitema na bana epai na batata. Na bongo ete na yampe na beta mokili na ekweli mabe e. Un roi chapitre 18. Mukanda mikoze liboso mukapozomi na libo. Nous prenons le verset 37. Tokozwa mulonga kotanga tukomesa tu masambo. Réponds-moi Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Zongiselangai, Yahweh, zongiselangai. Ete bato oyo, bayeba ete yo, Yahweh ozali Nzambe. Bete yo ozali, kobotisa mitema na bango sima. 1 Corinthiens chapitre 10. Kolonta yambo mkapazomi. Nous prenons le verset 1 à 5. Tokozo anzela kotanga yambo kino na mitano. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'elles ont tous passé au travers de la mer, qu'elles ont tous été baptisées en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'elles ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'elles ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux, ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Bandeko. Alingiete, boye baete, banko konadiso, bazalaki nyonso, nanse nanipata. Mpe nyonso, balekaki, mai na monana. Nyonso mpe, babatamaki, epai na mose, kati nanipata, mpe kati na mai na monana. Mpe nyonso, baliaki, milei na molimo, na motindo moko. Mpe nyonso, bamilaki, mai na molimo, na motindo moko. Nzambi, balakaki longwa na libanga na molimo, bilaki bango na libanga yango ezalaki Kristo. Nde nzambe asepelaki na mingi na bango te, po ete bakwesamaki kati na lisobe. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la table du Seigneur. Et que la bonté de Dieu remplisse vos cœurs. Et sa bénédiction repose sur chaque croyant qui aime la vérité. Que Dieu les bénisse. Nous poursuivons la prédication de l'Évangile. Parce que la parole de Dieu est un monde infini. L'Évangile est surnaturel, plein de richesses inépuisables. Et ce matin, nous poursuivons ce que nous avons commencé à traiter déjà. Hier, on avait dit les promesses de Dieu faites aux pères, manifestées à leurs enfants. Dans le cadre de deux missions de Malachie 4, verset 6. Deux missions de l'Élie de Malachie 4, verset 5 à 6. La mission. C'était une promesse. Nous avons lu cela dans la Bible. À travers les petites pensées de méditation complémentaires, nous essayons d'affermir la leçon de dimanche dernier. Il y a quelqu'un d'entre nous qui n'a pas encore bien compris, Dieu l'aide, chemin faisant, à comprendre de plus en plus. Et que Dieu soit béni pour cela. Donc là, dans Malachie 4, la première portion de la promesse disait ceci, au verset 6 là, parlant d'Élie le prophète que Dieu a promis au verset 5, la première mission verset 6, hein, il ramènera le cœur singulier des pères à leurs enfants. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Le cœur des pères à leurs enfants. Amen. Et au moment de l'accomplissement, dans Luc chapitre 1 au verset 17, l'ange confirme la promesse et montre qu'il y a déjà l'Élie en question qui était venu pour accomplir la première portion. Moi, j'avais compris, mais c'est ça. Il a commencé à comprendre, c'était Élie, il a commencé à comprendre qui ça, il a commencé. Et il est dit ceci, Luc chapitre 1, au sujet de Jean-Baptiste, il dit ceci, verset 15 à 17, car il sera grand devant le Seigneur. On peut vous dire, il grandira. Et Dieu a confirmé qu'il était grand. Jésus-Christ a dit que de tous ceux qui étaient nés de femmes, il n'en avait pas un pari de plus grand que Jean-Baptiste. Les paroles là confirmé la prédiction de l'ange ici, avant même la naissance de l'enfant. Au moment de sa conception, il sera grand devant le Seigneur. Et pour ça, le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, a confirmé qu'il était grand. Plus grand que tous ceux qui étaient nés de femmes jusque-là. Et il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il s'agit de ramener. Et c'est Jean-Baptiste qui devait faire ces choses. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Les fils d'Israël, c'était les fils des pères d'Israël. Les pères qui ont vécu autrefois. Et qui étaient déjà morts. Et qui avaient laissé la place à leur progéniture, leurs descendants, leurs enfants. Au cours des décennies, des siècles et des millénaires. Mais leurs enfants là, c'est Jean-Baptiste qui devait les ramener au Seigneur leur Dieu. Le mettre en relation avec le Dieu vivant devenu homme. Avec le Dieu de leur père manifesté dans leur génération. Jean-Baptiste devait le faire en son temps. Il l'a effectivement fait. Ramener le fils de père d'Israël. Seigneur leur Dieu. Seigneur Dieu de leur père. Le père d'Israël. Oh, béni soit le Seigneur. Et il dit, Amen. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui. Pour faire quoi? Pour ramener le cœur pluriel des pères vers les enfants. Ramener le cœur des pères d'Israël. À leurs enfants. Béni soit le Seigneur. Et les rebelles à la sagesse du juste. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean devait marcher dans l'esprit et la puissance de lui. Ramener le cœur des pères d'Israël. À leurs enfants. Et en disant ça, l'ange confirme ce que nous avons lu dans Malachie 4, verset 6, première partie. Et il montre que Élie, l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie, à travers Jean-Baptiste, fera son travail. Accomplira cette portion, cette tâche précise, cette partie de la mission prévue dans Malachie 4, 5 à 6. Là, il était dit, il ramènera le cœur singulier de leur père à leurs enfants. Mais au moment de l'accomplissement, l'ange a mis le cœur au pluriel. Le cœur au pluriel. Il dit le cœur de père à leurs enfants. Et il met ce cœur-là au pluriel en ayant pris soin de dire d'abord au verset 16 il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Plusieurs des fils d'Israël. Ils seront ramenés au Seigneur leur Dieu. Et en faisant cette opération, plusieurs cœurs mitema mingi de père et ma tata se retrouveront dans leurs enfants. Et mais c'est ça la mission. Et frère Branham dit ceci avant qu'on puisse avancer. Et il y a quelque chose qui me revient ici dans la prédication un procès prêché le 12 avril 1964. Et alors, quand on en arrive ici à cette promesse, qu'il y a trait à quelque chose d'autre, comme il en était au temps de Sodome, où Malachie 4 dit, Malachie 4 dit, juste avant le grand moment où le monde des nations sera brûlé, comme il l'a été, ou comme l'a été Sodome, et ensuite les justes marcheront sur les méchants, jusqu'à ce temps-là, je vous enverrai Élie. Na costume de la Elia. Ouais, l'esprit. Et il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères. C'est cette promesse précise qui a tiré à quelque chose d'autre. Cette promesse précise là qui a trait à quelque chose d'autre que ce que Jean-Baptiste avait fait. Est-ce que vous suivez le langage du prophète? Et quand on en arrive ici à cette promesse qui a trait à quelque chose d'autre, comme il en était au temps de Sodome, alors Malachie 4 dit, juste avant que le grand moment où le monde des nations sera brûlé, tout comme l'a été Sodome, et ensuite les justes marcheront sur les méchants, je vous enverrai Élie le prophète. Où est l'esprit? Et il ramènera le cœur sanglié des enfants à la foi des pères. Là c'est quelque chose d'autre. Êtes-vous là? Quelque chose d'autre. Et là, comme sous la deuxième partie de la mission de Malachie 4 et 6. Elle est en lien avec Luc 17:26-30. Tandis que la première partie de Malachie 4 verset 6, elle avait trait au travail et la mission de Jean-Baptiste. Pour ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et la deuxième partie de Malachie 4-6, Kasi et Malé, Malachi quelque chose d'autre. Et là, Dieu enverrait Élie le prophète. L'esprit pour ramener le cœur des enfants à leur père. Mais ce qui est commun maintenant entre les deux, entre la première mission et la deuxième, c'est le mot clé ramener. Et pourtant Élie le Tishbite, quand il était au Mont Carmel, il a fait la prière que nous avons lue là, extrait, dans 1 Rois 18, le verset 3. Prie à Dieu comme vous l'avez supplié aussi. Ô Éternel, afin que son peuple sache que c'est toi Éternel qui es Dieu, et que c'est toi Éternel qui ramène leur cœur. Déjà au Mont Carmel, beaucoup d'années avant que Jean-Baptiste naisse, il est clavant que l'Élie des derniers jours ne vienne. L'Esprit de l'Élie dans Élie le Tishbite Invocation sur terre de terre. Carmel. Ce n'est pas une confrontation historique. Entre le serviteur du vrai Dieu et les idolâtres. Et il a supplié Dieu. Demandant, réponds-moi. Réponds-moi, Éternel. Que ce peuple, le peuple d'Israël, les descendants des peuples d'Israël, ce peuple-là reconnaisse que c'est lui qui est Dieu. Après qu'ils ont reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu, mais qu'il puisse reconnaître aussi que c'est toi Dieu qui ramène leur cœur. Élie, faisant le travail de ramener le cœur d'Israël au Seigneur leur Dieu. Parce que les Israélites s'étaient égarés en ce temps. Ils avaient abandonné le vrai Dieu. Et ils servaient les idoles. Ils se sont abandonnés au Baal. À Astarté. Ils ont oublié le Dieu de Moïse. Ils ont abandonné la voie d'Israël. Mais Élie en ce temps a fait le travail de les ramener. Qu'il reconnaisse que c'est toi qui es Dieu. Et qu'il reconnaisse en même temps que c'est toi Dieu qui ramène leur cœur. Après avoir prié comme cela, Dieu a exaucé la prière d'Élie. Et qu'est-ce qu'Israël a dit? Ils ont tous crié à haute voix. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel. La prière d'Élie était immédiatement exaucée. Le peuple a reconnu sur le champ que c'est l'Éternel et non pas les idoles. L'Éternel et non pas les Baals. L'Éternel et non pas l'Éternel qui était Dieu. L'Éternel, le Dieu qui servait Élie. Ils ont été ramenés donc au Seigneur leur Dieu. Avant la promesse de Malachi 4. Donc là, Élie était lui-même là en personne. C'était Élie le Tishbite. Et Dieu l'a utilisé pour ramener le cœur d'Israël au Seigneur Dieu lui-même. Et plus tard, dans le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachi a annoncé la grande promesse. Il dit d'abord, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. On a prescrit en horaire des principes et des ordonnances pour Israël. Il dit ensuite, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que ne vienne ce jour. Avant que ne vienne le jour de l'Éternel. Le jour grand et redoutant. Il annonce la première mission de Élie. Il ramènera le cœur de père à l'exemple. Et c'est là ce que nous voyons. Dieu ramena le cœur de père fidèle. Dieu ramenant le cœur des pères fidèles. Mais ce que Jean-Baptiste a fait là, Dieu l'avait déjà fait sous une autre forme, à travers le prophète Élie, le Tishbite, quand il était là, l'homme physique. La parole s'ajouta à la parole. La parole dans sa continuité. Alors, je veux lire ce que dit Frère Branham dans le procès. Un procès. Voyez, j'avais dit un procès du 12 avril 1954. Le paragraphe 136, je répète. Et alors, quand on arrive ici à cette promesse qui a trait à quelque chose d'autre, on n'a pas autant de problèmes. Malachi 4 dit, juste avant le grand moment, où le monde des nations sera brûlé. Et ensuite, les justes marcheront sur le méchant. Je vous enverrai Élie. Loin de l'esprit. Et il ramènera le cœur des saints forts à la foi de paix. C'est autre chose qui devait s'accomplir au temps de la fin. Et c'est la première fois que je vous donne dans ce paragraphe. Ramenez toujours, chaque fois qu'il est venu, c'est ce qui s'est passé. Ramenez, toujours, chaque fois qu'il est venu, c'est ce qui s'est passé. Donc quand Élie, l'esprit d'Élie est en Élie, le Tishbi, quand nous disons l'esprit d'Élie, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, tel qu'il avait travaillé dans les prophètes Élie. Ce n'était pas l'esprit familial d'Élie. L'esprit de coutume d'Élie. L'esprit des clans d'Élie. Ou l'esprit tribal d'Élie. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand nous parlons de l'esprit d'Élie, l'esprit est majuscule. Il est l'esprit de Dieu. Et dans sa façon de travailler à travers Élie le prophète. Chaque fois que Dieu a utilisé cet esprit-là, c'est toujours le travail de ramener. En Élie le Tishbite, il a ramené. Quand il est revenu au Jean-Baptiste, il a ramené. Et quand il devait revenir au temps de la fin, il doit ramener. Il dit amen avec sincérité. Amen. Ramener, toujours, chaque fois qu'il est venu, ce qui s'est toujours passé. Quelque chose doit être ramené. Et dans les promesses, donc après la venue du premier Élie le Tishbite, l'homme physique, l'homme physique, promis une double venue d'Élie. Et dans cette double venue d'Élie, à chacune de ces deux venues-là, l'esprit d'Élie aura toujours pour tâche de ramener. Et vous devez identifier ça. Et le fidèle l'a fait à travers Jean-Baptiste. Vous ramenez quoi? Plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et au temps de la fin, il devait ramener le cœur des enfants à leur père. Qui est la deuxième mission de Malachi 4, verset 6. Est-ce que nous attendons de voir ce que nous avons déjà vu? Que Dieu fasse grâce à chacun de voir clair. Je comprends qu'il ne s'agit pas des illusions, mais de l'évangile fabriqué, mais il s'agit de saintes écritures, la vérité de Dieu infaillible, immuable, intouchable, valable dans toutes les générations. Qui dit amen? Amen. Ramenez. toujours. Chaque fois qu'il est venu, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est déjà passé deux fois. Clairement dans la Bible ici. Dans les passages que nous lisons ce matin. Un roi, 8, chapitre 18, verset 37, ramené. Luc 1, verset 16 et 17, ramené. Et au temps de la fin, avant que les nations ne brûlent, au temps de l'établissement de toutes choses par Élie promis, il s'agira encore de ramener. Dans notre temps en nous, il sera encore question de ramener. Maintenant, ramener quoi? Ce que vous savez, notre temps, c'est ramener le cœur singulier des enfants à leur père. On a dit que vous avez dit autant de Jean-Baptiste, c'était ramener le cœur de père à leur sens. Et c'est déjà accompli. Et c'est pour qui ça mis. Dieu l'a fait. Il a ramené plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il leur a montré le Dieu vivant. Le Dieu de leur père fidèle. Amen. Amen. Le Dieu de leur père fidèle. Pourquoi je mets le mot fidèle? En Israël, dans l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs pères. Et parmi ces pères-là, il y en avait qui étaient de bons et fidèles pères. Et il y en a eu aussi qui étaient de la mauvaise catégorie. De méchants. Et des infidèles. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous avons lu ce que Paul dit au sujet des pères d'Israël. Quand il va indexer ce père-là, il ne parle pas de père vaille-que-vaille, il désigne précisément le père d'Israël que Dieu avait fait sortir d'Égypte. J'étais là, ce que Dieu avait accompli comme promesse au temps de Moïse. Promesse que Dieu avait faite dans Genèse 15 au verset 13. À leur père commun Abraham. Et les pères sont retirés d'une nation qui ne serait pas la leur. Amen. Abraham puissant. Et la main élevée. Cette vieille promesse. Et la grande incarnation. Quand Dieu a envoyé Moïse, cette promesse s'était accomplie. Et la grande incarnation. Ceux qui ont vécu ça. Bah, oh, la monnaie. Les chrétiens d'Abraham qui ont vécu cet accomplissement de la promesse sont sortis pour une marche dans l'exode. Parce que Dieu fait ça en ce temps-là. Il était en train d'accomplir une vieille promesse pour conduire une génération vers une nouvelle promesse. Au temps de Moïse, Dieu accomplissait la promesse faite à leur père Abraham. Et Dieu s'est souvenu de son alliance. Il a choisi Moïse comme prophète. Il a envoyé Israël en Égypte. Par ce ministère-là, Dieu accomplissait une vieille promesse qu'il avait faite à Abraham, leur père. Mais tout en accomplissant cette vieille promesse, dans un temps prophétique, par de grands signes, prodiges, miracles, il a annoncé à cette génération-là une autre nouvelle promesse. Et la gamme souffle. C'est un pays où coule le lait et le miel. La terre de Cana. Le pays des Jébusiens. Moka et Jébusiens. Des Phéréziens. Des Amoréens. Des Étiens. Des Cananaïens. Dieu a promis à cette génération. Il va leur donner ce pays. Et ils ont entendu une nouvelle promesse vers laquelle ils devaient marcher jusqu'à son accomplissement. Pendant que même étaient bénéficiaires et participants, une vieille promesse qu'Abraham était en train d'accomplir. ces enfants-là, Banhama, d'Abraham, Yabalayama, qui ont expérimenté ça en Égypte, oh, bah, étaient des enfants de promesses. Bah, voilà. Mais plus tard, Kassina, Dieu les a considérés comme étant le père d'Israël. Bambé, ils sont sortis d'Égypte. C'était les enfants d'Abraham. C'était les enfants de Jacob. C'était les enfants d'Israël. Ils attendaient l'accomplissement d'une vieille promesse. Et à leur père. Et au temps de l'Égypte. Au temps de Moïse. Cette vieille promesse de Dieu. Et à leur père Abraham. À leur père Jacob. Dieu l'a accompli sur leurs yeux. En envoyant un libérateur. Il les a sortis de l'esclavage. Mais il leur a annoncé une nouvelle promesse. Et malheureusement, la plupart d'entre eux n'ont pas expérimenté. Quand ils sortaient de l'Égypte, l'esclavage, la servitude, ils étaient pleins de confiance, pleins de joie et d'espérance. Fini la servitude, fini l'esclavage, nous allons vers un meilleur pays. Il sera un pays à nous, là où coule le lait et le miel. Et c'est une réalité. Arrivé au désert, la plupart d'entre ces enfants d'Abraham, selon la chair. La plupart d'entre ces enfants de Jacob, ne sont point agréables à Dieu. Pourquoi ça? Parce qu'ils périssent dans le désert. Pouvons-nous relire ça? 1 Corinthiens chapitre 10. Nous prenons le verset 1 à 5. Oui, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères, c'est Paul, un juif qui parle, Benjamin, Israélite, né d'Israël, hébreu, né des Hébreux. Je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. C'était tous. Tous sous la nuée. Tous traversant la mer. Et qu'ils ont tous été baptisés à Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Tous, sans exception. Et qu'ils sont tous mangés le même aliment spirituel. Parce que tous. Les des œuvres de Dieu. C'est ce que Dieu faisait. En accomplissant sa promesse. En participant des œuvres de Dieu. Et qu'ils sont tous, encore, ils sont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher-là était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Puisqu'ils périrent dans le désert. Ces pères-là sont sortis d'Égypte comme des enfants de promesses, croyant à la promesse manifestée de Dieu, la promesse de Dieu faite à leur père, accomplie sous leurs yeux. La promesse de Dieu était enceinte. C'est la grande réalisation. C'est un signe prodigieux. C'est historique. À la gloire du nom de l'Éternel Dieu d'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge. Un baptême. Ils ont été rois sur la colonne de nuée. Ils ont mis au rocher spirituel qui était Christ. Ils ont mis des grands signes, prodiges et miracles. Mais mes chers amis, la plupart, là la Bible le dit plus tous. Mais on a dit que la Bible ne dit pas tous ne furent pas agréables à Dieu. Non. Mais la plupart d'entre eux, la grande majorité d'entre eux, bien qu'ils aient pris la main de Dieu, la puissance de Dieu, le miracle de Dieu, la puissance du vent, la parole de la plupart d'entre eux, ne furent point agréables à Dieu. Parce qu'ils périrent dans le désert. Mais il y avait une minorité. Ils étaient agréables à Dieu. Jusqu'à palper la nouvelle promesse que Dieu avait faite d'un pays où coulait le lait et le miel. Ils ont foulé ce pays physiquement. Ils y sont arrivés finalement. Dieu est fidèle. Amen. Dieu soit béni. Dans Actes des Apôtres, nous voyons ceci au chapitre 7. Parlant de ce père-là. Actes chapitre 7. Il est écrit ceci. Le verset 44 à 45. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué. Amen. Amen. Ce n'était pas sous la conduite de tous les pères. Mais c'est sous la conduite de Josué. Dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il resta jusqu'au jour de David. Descendant de ses pères là. Il était un des enfants de père d'Israël. Mais après sa mort, il comptait comme patriarche l'un des pères d'Israël qui avait aussi reçu la promesse. Parce qu'il avait été réuni à sa mort à ses pères. Oh, quelle merveille! Il a été intègre dans la voie de Dieu. Il a gardé la foi tout le chemin de sa mort. Il peut vous faire grâce. Il peut vous soutenir. Dans 1 Roi chapitre 15, nous lisons le verset 5 d'abord. Il est écrit ceci. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il ne s'était point détourné d'aucun de ses commandements pendant tous les jours de toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hétien. Dieu peut-il vous faire grâce de marcher dans l'intégrité toute une vie entière jusqu'à la fin de votre voyage, marchant dans la voie du Seigneur Dieu? Moi j'ai dit oui et amen. Oui, votre Dieu peut le faire. Et David l'a expérimenté. Gloire à Dieu. Regardez. Dans Hébreux au chapitre 3. Parce que Dieu fait grâce et il fait distinguer entre les enfants. Entre les voyants, les bons et les mauvais. Hébreux chapitre 3, le verset 7 à 11. Il est ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint, aujourd'hui, les lois, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient. Vous voyez que tous au départ étaient croyants. Ils ont vu le miracle de Dieu, ils étaient pleins de joie, participant de l'accomplissement des promesses de Dieu. Ils ont vu la nuée de gloire de leur propre Dieu. Ils ont vu le miracle de la mer rouge fendue en deux. Ils ont vu le voir la manne du ciel. Ils ont vu Dieu faire jaillir l'eau du rocher le plus dur. C'était des grands signes inouïs. Et voilà qui prend des nombres minéraux comme on a dit. Dans le désert, ils se sont révoltés. Ils ont tenté Dieu. Et Dieu exhorte la génération d'aujourd'hui. Les gens de maintenant. Ton peuple pour maintenant. Il vous dit si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. Le col n'a pas de mais comment moi je vous conduisais bien, vous êtes qu'est-ce que vous a piqué? Quel mouche vous a pour que vous deveniez si méchant. Si vous êtes rebelle, vous êtes rebelle. Vous êtes rebelle. N'imitez pas cet exemple-là. Bon, mais quoi là, ça en a fait. La Bible a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 6. La Bible a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 6. Les choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. J'aimerais que l'Église dise Amen. Ce sont des exemples de grandes leçons. Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Il est le Dieu des pères d'Israël. Il est le Dieu des pères de la Pentecôte. Il est le Dieu aujourd'hui dans notre temps. Il est le même. Si vous entendez sa voix, vous écoutez son message, n'endurcissez pas votre cœur. Comme ce fut le cas à l'époque de la révolte, où les pères d'Israël tentèrent l'Éternel. Où vos pères me tentèrent, verset 9, où vos pères me tentèrent, vous m'éprouvez. Et ils dirent mes choses pendant 40 ans. Et si je suis irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ça, c'est ce que Dieu a constaté. Quel genre de cœur ce père d'Israël avait-il? Toujours un cœur qui toujours s'égare. Quel genre d'esprit ce cœur-là avait-il besoin? Année en année, d'époque en époque, d'âge en âge, quel genre d'esprit ils avaient besoin? Bien sûr. Parce que si ce cœur s'égare, il fallait de temps à autre que l'esprit d'Élie leur soit envoyé pour les ramener. Ce qui était le de pour prendre pour laquelle Dieu utilise cet esprit plusieurs fois. C'est ce mauvais cœur-là qui toujours se garde. C'est celui qui comprend les amens. Dieu est juste dans toutes ses voies. Il dit, où vos pères m'étendent. Pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je suis irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Quand Dieu a utilisé l'esprit d'Élie la première fois, il a ramené leur cœur. C'était Dieu dans un prophète. Dieu dans le prophète Élie. Élie qui devait ramener le cœur prie et dit, Seigneur Dieu, réponds-moi afin qu'Israël reconnaisse que c'est toi Dieu qui ramène leur cœur. Et ramener le cœur est une tâche divine. C'est le travail de Dieu lui-même. Mais il a compris à travers un prophète. L'esprit de Dieu. Finalement, l'esprit de Dieu là a été appelé l'esprit d'Élie. Quand Élie est parti, vous n'êtes pas laissé le peuple s'égarer. Il a renvoyé une double portion de l'esprit qui était en Élie. Aussitôt après, il l'a ramené dans Élysée. C'est biblique et c'est historique. Si laissez lever la main, l'esprit d'Élie me dans une double portion, merci. En Élysée. Élysée, le prophète a accompli le double des miracles accomplis par Élie. Élisa, nous avons compris ça qui et puis des prophètes se sont succédés après Élie. Quand le dernier de la série de l'Ancien Testament, Malachie, apparaît, il laisse le peuple sous une autre promesse de la venue d'Élie. Pourquoi? Après des siècles et des années, ils allaient encore s'égarer. L'attitude de leur cœur. Et il fallait ramener l'esprit de lui pour les ramener. Et Seigneur, il faut que nous sommes venus à l'église pour la. Nous continuons ici dans Hébreux 3. J'arrive au verset 11. Je dirai donc dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. C'est ainsi que des pères d'Israël sortis d'Égypte. Il y a une minorité qui est parvenue au pays de la promesse. Père Josué. Josué avait été en Égypte et Josué s'est retrouvé en Canaan. Josué avait été au départ de l'Égypte et Josué a été à l'arrivée en Canaan. Au départ en Égypte, il était un jeune homme. Pendant que Moïse, son encadreur, était un vieil homme. Mais à l'arrivée au pays de la promesse, Josué était un papa, un adulte. Il avait le rang d'un père. Et Moïse, son encadreur, était déjà mort. Dieu est bon. Son œuvre est ininterrompue. Sa parole demeure éternellement. Et vous cette vérité. Dieu ne délaisse jamais sa parole. Voyez bien aimé, Dieu ne délaisse jamais sa parole. Et il est merveilleux. Alors, plus tard, priant en son temps, Salomon, il a adressé un mot de prière dans lequel il reflète la foi qu'il y avait en lui. Salomon, dans 1 Roi chapitre 8, il a eu à prier. Abondelaki. Et c'était merveilleux. Et là, penza, malam koleka. Oh, il dit ceci. Ababiboy. 1 Roi chapitre 8. Mokandali Bosom Konzi Mokapwa Mwambe. Le verset 52. Dena kotanga tuku mitano na mibale. 53. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur. Et sur la supplication de ton peuple d'Israël. Pour les exaucer en tout ce qu'il était demandé. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage. Nzambi otangoli bango longwa na mabota nyonso na mokili ete bazala libula na yo lokola. Comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur. Le roi qui n'a pas eu mon nom, mon quand tu fais sortir d'Égypte, nos pères, Seigneur éternel. Wana obimisaki batatana biso na Egypto e kolo yawe. De génération en génération. Dieu était toujours disposé à travailler avec ses enfants. Bambe après ça qu'on a kosala na banana. Na ekike na mususu. Le Dieu des pères était fidèle. Bambe batatana za kisembo. Mais ce sont les mauvais cœurs qui s'égarent. Kasi mitema ya kanzambe banepo. Mais Dieu est disposé à répondre aux prières de son peuple. Kasi bambe atameta kuna kolona na mabonde. Jusqu'à aujourd'hui, il est le même Dieu. Je vous assure, il est le même Dieu. Quel que soit ce qui nous est arrivé chez mes faisants, il est disposé à travailler avec vous, à répondre à vos prières, comme il avait répondu aux prières de vos pères qui vous ont précédé. Ceux qui s'égarent, Dieu les écarte. Ceux qui marchent dans la voie de leur père, Dieu les bénit. Vous aimez ça? Que Dieu soit loué. Et ici dans Acte 13, c'est merveilleux de savoir que nous sommes un peuple choisi par lui. Acte 13, là au verset 13, la Bible dit ceci. Paul et ses compagnons s'étant embarqués, où est-ce que je suis? Je vous allais lire autre chose. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Paul, le moi qui n'a pas ça, m'a commis n'a pas légé, n'a moquili n'a Pamphylia. Non, non. Il y a quelque chose qui n'est pas juste ici. Attendez, ça ne cadre pas très bien. Très bien. Oh, miséricorde, c'est pas là. Attendez. Très bien. Verset 17. Voilà, c'est le verset 17. Il a dit ceci. Excusez-moi là. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. C'est un bonheur que de se savoir choisi par Dieu. Et que vous, les descendants de ceux qui ont été choisis par Dieu, vous identifiez du bon côté. Il dit, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il l'en fit sortir par son bras puissant. Quelle est l'histoire du peuple de Dieu? C'est un peuple choisi. Quelle est l'histoire des saints d'autrefois? Ce sont des saints choisis par Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait fait pour eux? Il les avait honorés. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour vous les enfants? Il doit faire la même chose. Et l'honneur, c'est pour vous qui croyez. Pouvez-vous comprendre cette vérité? Quel que soit ce qui s'est passé avant, vous avez l'occasion maintenant de vous identifier du bon côté. Du côté de la parole de vérité, des hommes bons et fidèles. Vous dites amen. Amen. Identifiez-vous de ce côté-là. Nous sommes maintenant en Israël. Parce que c'est possible maintenant. Gloire soit rendue à Dieu. Il est possible que nous marchions dans la voie des hommes fidèles. Et nous retournons dans 1 Roi chapitre 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? 1 Roi chapitre 15. Là où nous étions au sujet de David. Mais après David, qu'est-ce qui s'est encore passé? 1 Roi 15, le verset 24. Il est écrit ceci. Asa se coucha avec ses pères. Et il fut entré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Josaphat, son fils, régna à sa place. 1 Roi 15, verset 24. Asa, alalaki nabatatanaye, mpe akundamaki esikemoko nabatatanaye, mboka na Dawidi, tatanaye. Vous voyez, Asa avait-il marché dans les voies de Dieu? Asa tamboulaki nanzele nanzele. Était-il un roi fidèle? Asa ke mokonzimo kosembo? Oui. Iyo. Allons ici, à 1 Roi 22. Le verset 50. Longo et kumitano na. On aurait d'abord, alors Akazia, fils d'Akab, dit à Josaphat, c'est 2 Chroniques 20. Vas-y, tango. Sorry. 2 Chroniques, chapitre 20. Quand il y a mis balé, il y a tango, mon capot, tout comme il balé. Il dit ceci au verset 30. Abiboui, dans un côté, tout comme ça, tout. Il dit. Oui. Et le royaume de Josaphat, qui était le fils d'Asa, fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Bokonzina Josaphata, et c'est là qui nie Nzambi Nzambe naye, Zimila qui est na Kimia. Allons jusqu'au verset 33. Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi. Boye Josaphata, Azalaki Mokonzi, Nikolo na Yuda. Azalaki na bilanga tuku misato. Et il régna 25 ans à Jérusalem. Ah, Azalaki mokonzi tuku mibale na mi. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilshi. Mama na ye abengamake na kombo na Azuba mwana na Simon. Voilà exactement. Verset 32. Il marcha dans la voie de son père Asa. Atambolake na nzela na tata na ye Asa. Et ne s'en détourna point. Pe apengwaki na yango te. Faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Asalaki yango ekokaki malamu na miso na Yahweh. Amen. Amen. Verset 33. Seulement les hauts lieux ne disparurent point et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Kasi, besika na likolo elongwama kite. Bato batiaki nano mitema na bango epai na Nzambe na batata na bango te. Mais Asa qui a régné a marché dans la voie de sa père. Kasi oyo Asa ya bongwa ki atambola ki na tata na ye. Toute sa vie, il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Bongo yeno bimba asalaki oyo asalaki malamu liboso na Yahweh. Ça c'est Josaphat. Il était descendant d'Asa. Et Asa était un descendant lointain de David. Il y a eu des hommes bons qui ont gardé la voie de l'Éternel, de l'intégrité, de faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Même longtemps après la mort de leurs ancêtres. Allez-vous remarquer là la bonté que Dieu avait manifestée à leur père croyant. La même bonté se répétait du temps de leurs enfants. Dieu était immuable. Et sa miséricorde dure à toujours. Voulez-vous servir le même Dieu? Et vous identifier du bon côté? Moi, je veux que ce soit votre cas. Identifiez-vous du bon côté. Des pères bons et fidèles. Des pères intègres et loyaux envers Dieu. Même si vous êtes entouré de rebelles de tout ça. Souvenez-vous de la voie qu'avaient suivi les hommes bons autrefois. Invoquez leur Dieu, il se manifestera à vous. Retrouvez les droits chemins. Dans cette génération, il est possible. Et Dieu peut vous assister. Pour que vous puissiez vous en sortir la tête haute et honorablement. Dans Jérémie chapitre 6. La parole dit ceci au verset 17. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Cherchez la bonne voie. Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Le repos que les anciens pères qui s'étaient rebellés ne pouvaient plus trouver, ne pouvaient, dans lequel ils ne pouvaient pas entrer. Vous, même dans votre temps, mettez-vous sur le chemin. Demandez quelle est la bonne voie. Vérifiez les anciens sentiers sur lesquels les saints d'autrefois avaient marché. Marchez sur cette bonne voie. Et Dieu vous promet quoi? Vous trouverez le repos pour vos âmes. Le Saint-Esprit si rare même dans votre temps. Il y a l'assurance que Dieu le fera. Oh mes chers amis, croyons fermement. Maintenant, quels sont les cœurs, de quel genre de père, les cœurs qui devaient être ramenés aux enfants? Est-ce que ce serait le cœur de père infidèle? Et méchant, est-ce que ce serait le cœur là qui devait être ramené par les enfants? Musala ya mulimo ya Elia ezako zongi sangane mitema ya mabete na kati ya bana zao. Amen. Musala na ye eya ezako pona ko yako ko faire prospérer masumu te na kati ya libota na zambi. Amen. Mais akozongi sande mitema ya batata malamu. Amen. Le bon cœur, mitema ya malamu fidèle. Dieu ramena l'histoire pour utiliser la génération nouvellement née. Voilà le genre de cœur qui devait être ramené. Béni soit le Seigneur. Je veux lire ici dans la prédication le un super signe prêché le 24 juin 1962. Donc l'écriture s'interprète elle-même avec exactitude. Remarquez, et il ramènera l'homme de sa première venue, lui Élie. Ramènera le cœur de père aux enfants. Prenant les vieux pères, les patriarches. Et ramenant leur foi à cette foi nouvelle des enfants de Jésus. Venant avant lui. Et Jean a dit, je viens avant Jésus. C'est pour mettre le peuple en état de recevoir Jésus-Christ et croire le Dieu vivant devenu homme. Et Jean a dit, le Messie vient après moi. Il dit, ramena leur cœur à ceci. Il dit, les détournant de la loi pour les amener à ceci. Dans Jean 1, n'est-il pas écrit que la loi est venue par Moïse? Et comment est mais que la grâce et la vérité sont venues par Jésus? Dans la chicasse, le verset 4, Dieu a dit, souvenez-vous de Moïse, mon serviteur. Auquel j'ai prescrit en Horeb des lois et des ordonnances pour Israël. Et pas c'était pour Israël. Et juste après ce verset-là, Dieu annonce la venue d'Élie. Après avoir dit que souvenez-vous de Moïse, mon serviteur. Pouvez-vous aussi vous souvenir? Avons-nous rappelé la sortie d'Égypte? Et quel est le contexte prophétique et historique de ces temps-là? Il accomplissait pour les enfants d'Abraham, pour les descendants de Jacob, pour les enfants d'Israël. Il accomplissait une vieille promesse qu'il lui avait donné à leur père. Mais il accomplissait pour leurs enfants cette vieille promesse-là. l'ai annoncé en même temps. Et une nouvelle promesse. Et la fin efficace. D'un pays où coule le miel. Mais quand ils sont arrivés au désert, la plupart d'entre eux se sont rébellés. Et Dieu les a fait périr. Mais ceux qui ont gardé la voix de l'Éternel, qui étaient animés d'un autre esprit, que l'esprit de la rébellion, Mais là, par la bouche de Malachi. Souvenez-vous de Moïse. De la sortie d'Égypte. Un épisode devait avoir lieu. C'était le premier exode de l'histoire du peuple de Dieu. La première sortie du peuple de Dieu. Et Jean-Baptiste a préparé son peuple à marcher dans cet exode. Le deuxième exode a eu lieu. Le peuple devait sortir des traditions. Et c'est là qu'on a un message de l'heure. Pour recevoir un vrai ministère prophétique confirmé. Après autant d'années, grand prophète loin de l'esprit de lui. Juste après lui, de Jésus-Christ, le grand prophète dont Moïse avait parlé. Et après Jésus-Christ, Paul, un autre prophète dont Isaïe le prophète avait parlé. C'était un temps prophétique. On est allé de Jean-Baptiste à Paul. On est allé à Jésus-Christ la pierre angulaire. Et c'était le deuxième exode qui a eu lieu. Avec la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Et les promesses que Dieu avait faites au Père, Dieu était en train de les accomplir à leurs enfants. Êtes-vous là? Il a commencé par ramener le cœur de Père à leurs enfants. Ensuite, le Messie lui-même s'est manifesté pour sauver le monde entier. Mais Israël d'abord. Et ensuite, l'évangile s'est tourné vers les nations. C'était la parole de Dieu qui demeurait éternellement. Maintenant, après que cet évangile ait été prêché, les gens se sont encore éloignés. De la voie apostolique. Et Dieu avait laissé une promesse à suspense. Malachi 4, la deuxième partie. Le Seigneur et les enfants devaient à nouveau être ramenés à leur père. Je continue dans un super signe. Il ramènera par la première venue le cœur de père aux enfants. Prenant le vieux père, les patriarches, il ramena leur foi à cette foi nouvelle des enfants de Jésus. Venant avant lui. Je viens avant Jésus. Il dit le Messie vient après moi. Ramena leur cœur à ceci. Le détournant de la loi pour les amener à ceci. C'est l'évangile de grâce. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il fallait que les enfants des pères d'Israël croient son message de grâce. Et l'office ministériel l'esprit prophétique d'Élie. À travers Jean-Baptiste. Il a réussi sa mission et c'est pour ça que l'évangile de Jésus-Christ est un franc succès. Et maintenant écoutez. Et à sa seconde venue, il ramènera le corps des enfants aux pères originels de la Pentecôte. Cela accomplit la prophétie de Joël qui dit, je restaurerai toutes les années que les Gazamans, les Jelek et autres ont dévorées. Là, c'est à sa seconde venue. Mais ce matin, nous sommes à la première venue. Ici, dans l'exposé de cette église, précisément l'âge de l'église de la Odyssée. L'âge 324. Troisième alinéa. Il est dit ceci. Non seulement nous voyons la venue de son messager après le Philippe verset 7, mais nous voyons que la parole parle de la venue d'Élie avant le retour de Jésus. Dans Matthieu 17, verset 10, les disciples lui posent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils que lui doit venir premièrement? Et Jésus dit, il est vrai que lui doit venir. Et les avant la venue de notre Seigneur, Élie doit revenir pour une œuvre de restauration dans l'église. Et pourquoi Malachi 4, 5 et 6 est dit, voici, je vous parlerai, Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, pour que je vienne frapper le pays d'intérêt. Commentez. Il ne fait absolument aucun doute qu'Élie doit revenir avant la venue de Jésus. Il n'y a aucun doute. Et il doit accomplir une tâche précise. Cette tâche est la partie de Malachi 4, verset 6 qui dit, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Nous les savons. N'est-ce pas aussi vous, tabernacle des chrétiens? Depuis dimanche, hier, mercredi et maintenant. Vous les savez. Cette tâche précise est celle qu'Élie doit accomplir en ce temps. Parce qu'il a déjà accompli l'autre partie qui dit qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Quand le ministère d'Élie était ici en Jean-Baptiste, et Luc 1 verset 17 a dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les révèle à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Avec le ministère de Jean, les cœurs des pères ont été ramenés à leurs enfants. Nous disons amen. Nous les savons. N'est-ce pas que depuis dimanche, vous les savez? Nous les savons. C'est la raison qui a permis cette vérité pour révéler. Nous les savons. Ne les niez pas, mon frère, ma soeur. Tu les sais déjà. Kouanganate, ouyebiango. Hein? Kouanganate, ouyebiango déjà. Nous les savons. Car Jésus l'a dit. Yes, on le dit. Mais il n'est pas dit que le cœur des enfants a été ramené à leur père par Jean-Baptiste. Cela doit encore se faire. De ramener le cœur des enfants à leur père. Cela doit encore se faire. Jean-Baptiste ne l'avait pas fait. Le cœur des enfants du dernier jour sera ramené au père de la Pentecôte. Ce que Dieu est en train de fermer. Au Père de la Pentecôte. Jean a préparé le cœur de Père pour que Jésus puisse accueillir les enfants dans la bergerie. À présent, ce prophète sur qui descend l'esprit d'Élie préparera les enfants à accueillir à nouveau Jésus. Dans sa seconde venue. N'est-ce pas? Alors, c'est Élie des derniers jours. Dans sa tâche de ramener le cœur des enfants à leur père. Il y a un double aspect. C'est lui de rétablir la vérité sur la divinité. Pour nous montrer à nouveau, de nos jours, le même Dieu devenu homme là. Confirmé en tant que Dieu suprême dans notre temps. La vérité relative à la divinité suprême. Cette vérité-là a été tranchée par l'apparition de la nuée de gloire le 28 février 1963. Il devait apparaître lui-même et se faire voir comme étant un seul. Et à la nuée de gloire, vous n'avez pas six yeux de trois personnes. On a connu, mis ce mot pas et on a connu deux yeux d'une seule personne. C'était Jésus-Christ, le même qu'avait servi nos pères de la Pentecôte, mais identifié comme étant la divinité suprême. Et voilà qui dit Jésus-Christ, on a connu pas et wapi, mais ça t'a inquiété, mais ça y est là, qui est ça, t'as dit ça, Élie le prophète du temps de la fin. Il y a Élie le sacoli, et pas moi, souka. Mais c'est Élie le prophète du temps de la fin. Prépare les gens non seulement à recevoir la divinité confirmée, restaurée, mais également à recevoir Jésus-Christ revenant. Et c'est son message qui nous connaît à ce Jésus-là. Revenant. Mais Jésus-Christ, Dieu suprême, c'est Élie là, l'a déjà présenté, et montré, et manifesté, à preuve, signe et miracle à l'appui, le peuple de Dieu. Est-ce que vous distinguez? Vous savez que c'est seul. Parce qu'Élie, il est le prophète de la divinité. Le mot hébreu, Eliyahu, parce que c'est ce qu'il est. Eliyahu. Eliyahu veut dire, l'éternel est mon Dieu. Eliyah veut dire, c'est lui pour qui l'éternel Dieu créateur est le Dieu. S'il y a un prophète habilité à mieux faire connaître la divinité, c'est l'Esprit de l'Élie. Et Dieu l'utilise plusieurs fois pour ramener le cœur de son peuple à lui-même, frère. À reconnaître le seul et véritable Dieu. Sans quoi, vous égarerez dans l'idolatrie. Vous serez dans la confusion. Écoutez le prophète Élie. Recevez l'esprit d'Élie. Et vous servirez alors le Dieu véritable. Libérez de toute servitude. Embrassez de toute confusion. Et Dieu vous l'accorde. Et Dieu vous répond. Parce que quand vous êtes dans la voie de l'esprit d'Élie, Dieu vous exaucera toujours. Parce qu'il vous reconnaîtra à ses côtés. Veux-tu suivre cette bonne foi? Je veux marcher par la révélation. Marcher par la foi. Dans la parole parlée. Être en contact avec Dieu chaque jour. Toute ma vie, je vais suivre cette voie. Comme un esclave au service de Jésus. Toute ma vie, je veux suivre cette voie. Comme un esclave attaché à Jésus. Moi, j'ai refusé de suivre la voie d'Akab. Qui avait fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Je refuserais de suivre la voie d'Akazia. Qui a marché dans la voie de ses mauvais pères. Pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Pour se trouver dans l'idolâtrie. Moi, je veux marcher dans la bonne voie. La voie de père fidèle. La voie des hommes intègres. La voie de la sainteté. Existe jusqu'à présent. Nous pouvons la retrouver par la grâce de Dieu. Dans le message des grâces. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour la prière maintenant. Et nous allons adorer Dieu. Encore une fois. Pour cette grâce qu'il nous a faite aujourd'hui. L'amour de Dieu, amour est de loin si grand que l'angle plus. Les peuples disent, il va plus loin que la plus haute étoile. Il atteint les plus bas enfers, au coupable, chantons les pardons, amène-toi dans la sang-fille, pour vaincre, il est concilia, sans que c'est Yeah. Il a permis la vérité en nous. Prions chacun. Par notre frère Joseph Balemba, et comme ami de Joseph Balemba, pour qui l'église a prié hier soir, et qui avait présenté le message d'excuse, empêché par raison de santé pour ne pas pouvoir arriver ici à l'église. Il a écrit ce matin ceci: Shalom mon précieux pasteur, je rends grâce à Dieu pour la guérison immédiate qu'il m'a accordé hier. J'ai senti des effets de vos prières. Mon précieux pasteur, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et bénisse toute l'assemblée en général pour avoir porté ma requête de prière à cœur. Il dit: la guérison immédiate, hier soir même, que Dieu lui a accordé. Il a senti les effets de nos prières. Dieu répond. Dieu répond aux prières. Dieu délie. Dieu de l'élite des derniers jours. Dieu délie le tishbita. Dieu délisé. Il peut encore guérir. Il répond aux prières. Aie foi et soit affermi. Dieu tout-puissant. Père bien-aimé, nous rendons gloire à ton nom, ce nom merveilleux, pour cette grâce que tu nous as manifestée ce matin. nous as donné assez de temps pour t'adorer. Décharger le cœur et parler avec toi. Tu as parlé ensuite toi-même. Cette petite leçon. Et Dieu ramena le cœur de père à leurs enfants. Le père intègre et fidèle. Et éloigna les enfants de tout esprit de rébellion. Les écartant de tout égarement. Il a fait par Jean-Baptiste. Nous avons compris les contours prophétiques. Et surtout l'importance spirituelle. Afin qu'on ne prenne pas cela à la légère. Qu'on ne puisse pas prendre ce message comme un groupe de prière. Alors que c'est un travail de restauration. Qui cible nos cœurs. Qui doit impacter dans la peau. Et produire les bons fruits de Dieu. Le résultat de promesses infaillibles. Aide chacun de nous à retrouver la bonne voie. Les anciens chemins. Retrouver la bonne voie du Seigneur. Dans laquelle le père de la Pentecôte a fait marcher. Avoir exactement la même foi, la même puissance, le même Saint-Esprit, le même signe, le même miracle, le même chose, le même résultat. Aide ton église. Aide ton peuple, Seigneur, à se préparer pour ton retour. Mais à reconnaître déjà la vraie divinité. Celle qu'elle a été confirmée. Le Dieu suprême. Ce n'est pas William Branham. Comme les pervertisseurs sont en train de mais le vrai Dieu suprême. C'est Jésus-Christ le même. À Paris, là-haut, à la nuit des gloires. Il a montré comme étant la divinité suprême. Le même que Jean-Baptiste avait présenté à Israël. Le même que William Branham présente à l'église. Ramenant notre foi au père de la Pentecôte. Fais grâce à chacun de voir cette lumière. Identifier les signes de Dieu. Et de s'éloigner des confusions religieuses. Pour tous les faux dieux de la fausse trinité. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que la gloire revienne au Seigneur, votre Dieu.